20, 38, observation, passé composé, négation et pronom. Je n'ai pas connu Hemingway. Je ne l'ai pas connu. Au passé composé et à tous les temps composés, ne est placé devant l'auxiliaire et pas est placé juste après l'auxiliaire. Le pronom personnel objet est placé entre ne et l'auxiliaire.